on a attaqué depuis hier soir, vendredi, pas de fin. Et on n'a pas fini la soirée. Et là, on recommence une belle journée. Et on est parti jusque mercredi. Mardi soir, certes. Et ainsi, j'avais un beau pépin, il a cassé dans l'âme. Mais ça ne sert à rien, on va le réparer. Mais pour le week-end, il va rester fermé. Sachant que j'ai perdu un ami. Donc, j'entre. On fait carnaval, mais en pensant à lui. Et plein de bisous au carnaval. As-tu connu ma loge?